veux marquer les esprits par mes mots, par mes écrits. Faire en sorte que t'apprécies sans que cela ne t'abrutisse, même si parfois mes mots sont crus, mon cœur reste positif comme mon sang issu d'un village asiatique. Je veux marquer les esprits par mes mots, par mes écrits. Faire en sorte que t'apprécies sans que cela ne t'abrutisse, même si parfois mes mots sont crus, mon cœur reste positif comme mon sang. Mon objectif premier n'est pas de vendre des disques, mais marquer le hip-hop, marquer mon époque avec des rimes et un putain de bloc-notes. J'ai autant la rage de vaincre que l'envie de tout plaquer. Ici les rues sont crades et l'air est pollué par le minerai. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, flow ne fait que commencer. Dans les bas-fonds de l'underground, mon son puisse toute sa liberté. Je n'ai pas de temps pour les clashs, pas de temps pour les freestyles. Faut que je taille ma route en stud et que j'y laisse ma marque. J'ai perdu assez de temps car j'ai l'esprit volatile, mes pensées se dispersent. Mais c'est comme ça que je construis, ya cisaille la rime, tel un sang que sous acide. J'taille personne, moi j'assassine, le beat avec un flow classique. Je veux marquer les esprits par mes mots, par mes écrits. Faire en sorte que t'apprécies sans que cela ne t'abrutisse, même si parfois mes mots sont crus, mon cœur reste positif comme mon sang. L'essentiel c'est que t'apprécies le son, que t'apprécies le fond, que t'apprécies la multitude de facettes que je donne sur track. Garçon, j'ai la rime qui décore ton univers, on décombe. A chaque coup de corde vocale, la lumière brise la pénombre. L'essentiel réside dans la simplicité, l'authenticité, nos dires, des mensonges, on vient s'acquitter. Pas là pour se racheter, une conduite tout bien narrée, des utopies sans saveur. Ceci est un message vrai, un message vrai pour les frères et les sœurs de toutes les nationalités qui tapent dans l'ombre pendant des heures. J'observe mon petit monde de ma lucarne et me rends compte qu'en tant qu'individu, nous ne sommes que des grains de sable. Seules les traces que nous laissons sont éternelles, bien que rien ne soit vraiment. On veut juste ralentir le temps, nous chasser le néant. Au bout du compte, on n'a qu'une crainte, celle que le ciel nous rappelle. Sans avoir eu la vie rêvée, celle qui se termine en happy end. Je veux marquer les esprits par mes mots, par mes écrits. Faire en sorte que t'apprécies sans que cela ne t'abrutisse, même si parfois mes mots sont crus, mon cœur reste positif comme mon sang. Issu d'un village asiatique, je veux marquer les esprits par mes mots, par mes écrits. Faire en sorte que t'apprécies sans que cela ne t'abrutisse, même si parfois mes mots sont crus, mon cœur reste positif comme mon sang.